said it, you gotta get up and get it. Get mad and dependent and don't you ever forget it. Got the dirt on your shoulder, let me brush it off for you. If you're feeling me, put your five high. Ça fait plaisir de vous retrouver la mercredi après-midi, les copains. Oh, c'est bientôt la fin de la semaine. Et ouais, en plein milieu. Quand c'est le mercredi, généralement, t'as un peu de bonne humeur quand même. Hein. Ouais, tu te dis. C'est la dernière ligne droite, hein. C'est cool. Ça va, l'équipe, vous êtes en forme. C'est la demi-journée, je suis content. Ouais, mais c'est fini, c'est plus comme à l'école. Ah, ouais, midi, c'était fini, tu vois. Genre, c'était bien ça. Hein. Ah, je suis triste, moi, ça me manque. Oh, c'était cool. Comment va Fab? Fab, il va bien. Ouais, il est en forme. Toujours. Qu'est-ce que c'est que ce look de Jedi que tu nous as fait aujourd'hui? Ah ben, je trouve que ça correspond très bien, ça. Look de Jedi. C'est mon petit gilet fashion. Il a un gilet crochet, vous savez, c'est comme quand les grands-mères nous faisaient ça. C'est de toute beauté. C'est pas un gilet crochet, c'est un gilet pas cher. Ah pardon, excusez-moi. Bon, dans cette émission aujourd'hui, il y aura plein de trucs. Hein. Déjà, on va vous envoyer au terme de spa. C'est cool pour ceux qui ont envie de se délasser un petit peu, de se faire plaisir et de se faire bichonner. Bah, va falloir rester bien à l'écoute de l'émission. Il y aura aussi le coup de pouce, on va vous aider dans la PIWAR, le dis-moi pas que c'est pas vrai. Et puis, le cocu ou pas cocu, c'est nouveau. Hein. On teste la fidélité et bien de votre copain, de votre copine. C'est ce qui arrive dans la suite de l'émission. Ça sera juste après les infos. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. À 17h, il est l'heure de s'informer. C'est avec Carlo Morello que ça se passe. Bonjour Carlo. Allô Audrey, salut à tous. C'est un géant de la politique qui vient de s'éteindre à l'âge de 93 ans, à savoir Shimon Peres, ex-premier ministre et ex-président d'Israël, un état dont il était d'ailleurs l'un des pères fondateurs en 1948. Le fait le plus marquant de sa longue carrière, c'est sans doute la signature des accords de paix d'Oslo en 1993, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix, ainsi qu'à Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien de l'époque assassiné peu après, et à Yasser Arafat, le chef de l'autorité palestinienne. Et à 23 ans, donc, la paix entre Israéliens et Palestiniens semblait à portée de main, mais on sait que depuis lors, beaucoup de choses se sont passées, hein, pas franchement positives. Des événements qui n'ont jamais découragé Shimon Peres, d'ailleurs, hein, il sera resté actif jusqu'à la fin à travers son centre pour la paix, qui continue de promouvoir la coexistence entre juifs et arabes. Mais il est donc mort sans voir se réaliser l'établissement d'un État palestinien, ce qui aurait pu être l'aboutissement de son œuvre diplomatique. C'est-à-dire cette colombe a d'abord été un faucon. Hein. C'est la visite historique du président égyptien Anwar el-Sadat en Israël en 1977 qui lui a ouvert les yeux sur la nécessité pour l'État hébreu de vivre en bonne harmonie avec ses voisins. Il n'y a pas d'alternative à la paix, disait-il encore il y a 3 ans. Faire la guerre n'a pas de sens. Ah oui, de tout temps, des voix se sont élevées pour hurler leur dégoût de la violence, mais elles n'ont jamais été entendues. Il n'y a sans doute pas eu un seul jour dans toute l'histoire de l'humanité sans qu'on ait fait couler le sang ici ou là, même qu'à l'heure où je vous parle, les habitants d'Alep en Syrie vivent un véritable enfer. Les bombardements dont ils sont victimes de la part du régime et de son allié russe sont les pires de ce terrible conflit qui dure pourtant depuis plus de 5 ans déjà. Et la communauté internationale se contente de condamnations verbales, tout en laissant le pire se produire. Donc, on ne connaît pas encore le bilan humain de ces bombardements. Les Russes utilisent des armes nouvelles, toujours plus destructrices, hein, bien sûr. Mais il est sans doute terrible, hein, des frappes qui ont en tout cas permis à l'armée de Bachar al-Assad de prendre le contrôle d'un quartier rebelle du centre d'Alep. Et enfin que, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 12 personnes, dont 5 enfants et 2 femmes, ont été tuées par les gardes frontières turques en essayant d'entrer en Turquie. Bon, alors s'intéresser au football après avoir évoqué une telle tragédie peut sembler déplacé, mais je vais le faire quand même pour dire que le club brugeois n'a visiblement pas le niveau en Ligue des Champions. Bruges qui s'est pris un 4-0 bien tassé dans les gencives à Copenhague, qu'on peut pourtant difficilement confondre avec le Real Madrid. Un 4-0 après le 0-3 initial face aux Anglais de Leicester en tête du groupe. Un Leicester qui a battu pourtant un but à 0 hier soir. Noté enfin le nul 2 partout entre Dortmund et le Real Madrid et le 0-4 infligé par la Juventus au Dynamo Zagreb. Fun. Fun Radio. Le son des fleurs continue sur Fun Radio avec Alex Germi, il y aura Zao et MHD, tout ça, ça arrive juste après le programme de la météo, mon Carlo. Entre 19 et 22 degrés, toujours demain, avec toujours pas mal de soleil, retour des nuages, toutefois en fin d'après-midi, avec quelques gouttes de pluie possibles. Prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Alex Germi, salut. Fun Radio. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est Krefel Bordel. Tous nos magasins sont ouverts ce dimanche. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Fell so far. Radio. Laisse les Kuma, il y aura aussi du Avicii dans un instant. Merci de vous être branchés sur Fun Radio. Là, si vous venez de nous rejoindre, c'est cool. On passe l'après-midi ensemble hein, jusqu'à 20h. Enfin, c'est plus que l'après-midi, là, du coup. Hein. Ah, ça, c'est clair. C'est le début de soirée. On termine, ouais, l'après-midi et on commence la soirée ensemble sur Fun Radio avec toute l'équipe qui est là. Et alors, Fab nous a trouvé une perle. Oh là là, mais une perle pour commencer cette émission d'un gars qui, limite, est aussi gaffeur que toi, quoi. Bah, limite, même plus. Enfin, non. Plus que moi, c'est pas possible. Mais disons qu'on a tous les deux eu le même genre de malheur. Expérience. Mais moi, un peu pire que lui, mais mieux en quand fait, même. Est-ce que quelqu'un a suivi ou pas? Parce que là, j'essaie de comprendre. Les sous-titres, c'est quel bouton? Il m'est arrivé plus ou moins la même chose que lui. En plus long, mais pas en aussi violent. Bah, explique voilà, alors. C'est ça. On veut savoir. Tout ça pour ça. Il y a un mec qui avait perdu le téléphone de son pote. Ouais. Ok. Dans les toilettes. Ok. Des toilettes chimiques. Ah, merde. Un truc en plastique. Avec des copeaux, là. Ouais, non, avec de la merde en dessous, tu vois. Ah, oui, une fois par an. Et le mec s'est dit avec un bâton, j'arrivais pas à le récupérer. Donc il est passé dedans pour aller le choper. Mais avec la main? Il est tombé. Dedans. Et il est tombé dans la fosse septique remplie de merde. Oh non! Et du coup, après, il a essayé de remonter. Mais il arrivait pas. Mais comment tu peux. Ah, je comprends pas. Comment tu peux tomber dans des toilettes? En fait, c'est les toilettes de festival, tu vois, avec ça. Un énorme trou et un réservoir derrière, en fait. C'est dégueulasse. Okay. Et donc il arrivait pas à remonter. Donc il a retrouvé le téléphone, évidemment, de son pote. Et au bout d'une heure, il s'est dit, je vais avoir besoin d'aide. Il a appelé les pompiers. Ouais. Et donc on est venu le chercher. Et c'est horrible parce qu'il a passé l'heure dans la merde. Il s'est évanoui et tout à cause des odeurs et du machin. Oh, c'est hyper trash. Et j'ai juste envie de dire chacun sa merde après. Ouais, c'est ça. Et moi, il m'est arrivé la même chose. De tomber dans la merde? Non, bon. Mais être enfermé dans des toilettes. Mais comment ça? Pendant 4 heures. Mais non. Tout seul? Si, tout seul. Oh, qui vit de merde. Tout seul. Là, c'est le moment où tu te sens un peu seul au monde. J'avais promis que je le raconterais pas, mais. Bah, le raconte pas alors. Non, je galère. Bah, c'est quoi, tu venais la raconter après ton histoire, Fab? On est suspendu à tes lèvres. D'accord. Mais les bonnes lèvres, hein, pas les lèvres. Attention. Moi, j'en ai pas, moi. C'est ça, il n'y en a pas d'autres, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est con. Allez, on tourne Zao et MHD sur Fun Radio avec blablabla. Voilà, il y aura aussi Amici dans un instant et juste après, attention, grande histoire de Fab sur son trou de balle. Ça on va fait dire peur, comme hein. Ça. Okay, d'accord. Ouais, bah allez, c'est ce qui arrive juste après le son de Zao et MHD. Et puis juste après, restez bien là. On vous expliquera comment aller au terme de spa si vous avez envie de vous faire bichonner avec un petit massage à la clé. Eh bien, on va vous dire comment faire. Ce sera juste après Zao sur Fun. Bienvenue. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enjaillis. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde tu n'as pas idée. La suite du son des Floor, c'est avec Major Lazer et Justin Bieber. Ça se passe sur Fun Radio. Et juste après, c'est le kiff de l'équipe. C'est le nouveau Aaron Chupa qui débarque sur Fun. Yeah. Vous allez faire des petits bonds dans la voiture. Vous allez voir, vous allez kiffer grave là. Bon, avant ça, Fab, tous les auditeurs veulent savoir ton histoire. Si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio, Fab nous a expliqué qu'il était resté coincé pendant combien de temps? 3h30. 3h30 dans les chiottes. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Comment t'as fait pour rester coincé dans les toilettes? Je suis dans un club. Ouais. Superbe, spectaculaire. Un déjeuner de dingue le matin. Un club de vacances ou club de vacances, ouais. club Med. On est là. Oh monsieur, allez moyen, hein. À l'époque, s'il vous plaît. À l'époque. Et donc on est là, il fait super beau, il fait super chaud. Je suis avec un ami. Le matin, on va petit déjeuner. Oh, café, bien. Croissant, clope, jus d'orange, caca. Tout de suite. Mon pote va à la piscine et puis moi je vais aux toilettes. Les toilettes, c'est une forme, c'est en T. Ouais. Tu vois un T? Oui, parce que quand même, moi, par la barre dessus. Et puis ma toilette à moi, la seule de propre et de libre, elle était tout au fond à gauche du T. Mm-hmm. Donc moi j'y vais, je cours et je sens que c'est un peu pressé, tu vois. Donc t'as pas le temps de fignoler, j'en trouve une. Je rentre, je m'assieds, je claque la porte et au moment où je m'assieds, je vois qu'il n'y a plus de poignée à la porte. Je dis, c'est pas grave, je vais d'abord régler le truc tout seul. Mais tu sais, c'est une petite toilette, mes genoux ils touchaient la porte. Oh là là, donc j'étais à l'étroit, je me lève, impossible de sortir, c'est une blague. Pas à moi quand même. Oui, non mais c'est ça. En plus, connexion avec les toilettes de femmes. À Djerba, il y a 40 degrés à midi, tu vois. Enfin, c'est hyper chaud. Donc je me dis, c'est pas possible, la blague des bronzés. Pas à moi quand même. Il y a des gens qui arrivent. Je toque, je dis, excusez-moi, je suis enfermé dans les toilettes. Et là, il me répond, ce charmant crève, enculé. Oh non. Alors moi, je m'énerve, tu me connais. Si je sors d'ici, je reconnais ta voix, je te tue. Tu vois. Le mec sort des toilettes, il ferme la porte. Donc les gens m'entendent plus. Ah oui, tu lui avais fait, monsieur. T'avais pris le dernier croissant qu'il y avait au buffet. J'en sais rien, moi, il pouvait pas sortir, c'était moi en même temps. 2 heures après, il y a des gens qui viennent. Ouais. Des Français, je dis, s'il vous plaît, aidez-moi, je commence à avoir chaud, je me sens pas bien, je veux sortir. Ouais. Les gens, ils ont voulu m'aider, mais ils arrivaient pas à ouvrir la porte de l'autre côté non plus. Donc ils ont été trouver les organisateurs, le JO, ouais, qui a fait une annonce au micro. Cher vacancier, on vous annonce qu'il y a un vacancier qui est bloqué dans les toilettes. Avec le service de sécurité qui est arrivé avec des pieds de biche, qui ont dû arracher le chambreau de la porte. Et quoi, t'as fait une sortie en mode superstar ou quoi? Les gens, ils m'attendaient avec des téléphones, ils faisaient des photos, ils filmaient. Et moi, j'allais mourir. Et juste 3h30, je suis restée enfermée. Excusez-moi, mais il y a qu'un truc auquel je pense là. Est-ce que t'as la vidéo ou pas? Bah non, j'ai pas la vidéo. Ah, s'il trouve là, allez, on la veut quoi. C'est quoi, tu fais des recherches, d'accord? Et on mettra la vidéo sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Et Fab, quand il est sorti des toilettes, ça fait. C'est bon les gars, je suis sorti. Je crois que c'était pas loin de ça quoi. Énorme, on applaudit Fab. Bravo, merci, Fab. Merci. Bravo. C'est de toute beauté. Ah là là, quel beau gaffeur. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'avoir des gaffes du genre? Allez-y, 3044 pour vos petits messages. On les lira à l'antenne. On va sur le son de Major Lazer, maintenant Justin Bieber. Et là, ce que vous entendez, eh ben, c'est le kiff de toute l'équipe de Fun. Hein. C'est le nouveau Aaron Chupa qui arrive dans la pioire dans moins de 5 minutes. Bougez pas. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs, dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire? Parce que moi, ce mois-ci, avec la rentrée, je peux pas. Non, les fournitures, le cartable. C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Le samedi 1er octobre chez Dom & Co, c'est la fête des animaux. Moins 15% sur tout le magasin. Le samedi 1er octobre, votre animal est roi chez Dom & Co. Plus d'infos sur domandco.be. Excusez-moi, la Peugeot 308 là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, elle a aussi l'air cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition.

nouveautés, New Music, découverte Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez nous rejoindre dans un instant, on vous explique comment faire pour aller au terme de spa. Ce sera juste après le nouveau Aaron Chupa sur Fun Radio, écoutez ça. Sur Fun. Avant ça, on vous a promis du beau cadeau toute cette semaine si vous avez envie de vous faire masser. Vas-y, masse-moi. Avec une jolie vue, le tout sans un bain un peu carbo-gazeux, comme ils appellent ça. Eh bien, on vous envoie au terme de spa. Ça tombe bien. En gros, on va vous chouchouter pendant toute une journée. Vous allez pouvoir profiter des bains. Des bains des termes de spa, là, vous y êtes déjà allé ou pas? Non, c'est moi jamais, j'ai pas eu l'occasion. Beau. Et c'est une eau spéciale, hein, ils mettent pas genre de l'eau de la piscine, tu vois, genre comme ça dans une eau commune. C'est l'eau qui purifie quand tu la jettes à la figure. Voilà, c'est ça, t'es toute beauté quand tu sors des termes de spa. C'est juste le pied, les gars, sérieux, le pied intégral. On va vous masser avec un massage délassant et puis vous allez vous baigner dans un bain d'eau pétillante. Un bain carbo-gazeux. Si ça, c'est pas beau, sincèrement, si vous voulez essayer de repartir avec ce chouette cadeau, vous envoyez maintenant Happy par SMS au 6322. On se fait le tirage au sort avant 18h, c'est promis. Puis il y a Véronique qui nous dit « Mon chat, il s'est coincé dans le lave-vaisselle. » Ah bah ouais. Ah. Ah, parce que si vous venez de nous rejoindre, Fab nous a expliqué qu'il était resté coincé dans les chiottes pendant 3h30. Alors, qui dit mieux les amis? 3044 pour vos petits messages. Nicolas, pareil, j'ai vu un article d'un Russe coincé dans une machine à laver. Mais c'est des malades, sérieusement. Si vous avez une histoire du genre, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. On vous prend à l'antenne juste après Black M sur Fun Radio. Gagnez le jeu de foot de la rentrée. FIFA 2017 avant sa sortie et votre Xbox One S grâce à Smart Toys et Fun Radio.

arrive des trucs comme ça. On a Jessie qui est là, ça va? Oui, oui, très bien, très bonjour bien. Bonjour Jessie, bienvenue dans la PIO. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben là, je suis au Media Markt. Ah ben c'est cool. Ah, bah, ça écoute, sympa. Tu peux prendre un iPhone 7 pour moi si tu veux. Ça va, je suis dans le rayon, ça va. Bon, ma Jessie, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Vas-y, explique aux auditeurs. Pareil, hein, je suis restée coincée dans la toilette pendant très très longtemps. Et j'étais très jeune à cette époque, j'étais en primaire. Et la prof s'est aperçue que je n'étais plus dans les toilettes, enfin que je n'étais plus en classe plutôt. Et que bon, voilà, c'est comme ça qu'on m'a libérée. Mais voilà. Non. Et mais quand t'es psy comme ça, ça peut te traumatiser une histoire pareille. Ah non, mais j'ai été. Non, ça, oui, oui, ça m'a traumatisée, sincèrement. Ouais, ça m'a traumatisée. Du coup, j'ai mis du temps à refermer les toilettes. C'est donc angoissée. Toi non, c'est que vrai, j'ai vu vraiment. Dans un centre commercial. La porte ouverte, c'est ça? Non. Ok, d'accord. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je me fais encore engueuler par mon mari. Oh, parce que je laisse la porte ouverte. Oh non, Jessie, c'est tellement pas glamour. Il y a des trucs plus agréables à voir. Non, quand même. Non. Mais après 12 ans, oh non, on Jessie, laisse encore. Non. Bah, c'est voilà, quand même. C'est pas grave. Non, et essaye un truc du vieil pou. Ça marche bien, ça. Quoi? Du vieil pou. Du vieil pou? Je connais le VIP, mais voilà. Et tu connais, toi, Jessie, le vieil pou ou pas? Mais j'ai vu les pubs, oui, et j'ai pas pu résister quand même à regarder, mais ça coûte très cher. Il y a Fab qui me regarde en mode, mais qu'est-ce que c'est? C'est une litière pour humain. Et bah, c'est presque ça, c'est-à-dire qu'avant de faire popo, tu mets le spray et ça fait un petit filtre comme ça, et du coup ça sent pas mauvais. Tu vois? D'accord. Ah, mais on s'en fout de l'odeur. L'odeur, ça fait plaisir, les hommes. Jessie, merci beaucoup d'être passée à l'antenne. Je te fais des gros bisous et bonne course. Je peux faire juste une petite dédicace? Bah ouais, vas-y. 15 euros, fais-toi plaisir. Alors, je fais une dédicace à mon chéri et mes deux petits monstres, et surtout à mes superbes collègues, les urgences de Saint-Michel, qui sont juste incroyables. Oh, voilà. C'est mignon tout plein, ça fera 25 euros. Non, ça, c'est 3 dédicaces, ça, hein, donc ça fait 15 fois 3. Ah, Jessie, je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux dans l'émission, d'accord? Merci, c'est gentil. Salut, bonne journée, au revoir. Bisous. On va faire le son de Calvin Harris maintenant sur Fun Radio avec My Way. Et puis si vous êtes déjà arrivé une connerie du genre, je sais pas moi, une grosse gaffe, allez-y, hein, 30-44 pour vos messages pour 50 centimes l'envoi. Et puis vous venez faire de la radio avec nous dans la Piawar. Why wait to say, at least I did it my way. La way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way. bienvenue sur Fun Radio si vous venez de vous brancher. C'est le son de Sac Noël avec Sean Paul qui arrive. Et puis comme promis, je vous ai calé un petit môme avec Aloha juste avant. Ça sera juste après l'infotrafic qui débarque maintenant dans l'Happy Hour. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Bonjour, Mister Jacobus. Yeah, allô, derrière le mal, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien. Oui. Bah, ça dépend ce que vous allez dire. Comment ça se passe sur la route? C'est la merde. Père Noël est là. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Tu es un peu stupide, hein, toi. Non, sur la route, bah, ça va pas très bien. Je vois ici un gros ralentissement dans le tunnel de Porte de Hall en direction du Midi. Vitesse moyenne 20 km/h. Si t'es à pied, avec cette vitesse, tu gagnes les 20 km de Bruxelles. En voiture, tu dois t'emmerder comme un rabord. Je vois aussi, ça va faire plaisir aux auditeurs, le début d'un gros chantier sur l'autoroute E19 à hauteur de Senef, sur environ 8 km. Oui. On va rigoler. Voilà. Au pont de l'ancien canal de Famille Heureux, et comme on est en Belgique, on connaît la date de début, mais la date de fin, là, tu peux oublier. Hein. Surtout que peut-être ils vont devoir employer des choses de chez Caterpillar. On ne sait jamais comment ça va terminer. Et on va terminer en embrassant nos amis de Liège, hein, surtout si tu es près du pont de Ougré et de Jemep. Eux, ils roulent à 10 km/h. Mais bon, c'est pas de leur faute. Hein. Bon courage, en tout cas, les amis, si vous êtes en galère là sur la route, n'hésitez pas à nous prévenir, hein, 3044, pour vos petits messages. D'ailleurs, il y a Christian qui nous a envoyé un message et qui dit « Moi, j'avais oublié mes clés et je suis resté coincé dans la châtière. Enfin, » Pardon, c'est comme ça que t'appelles ça, toi? Mais c'est que ça. Mais non, mais parce qu'on parle de femmes qui restaient coincées pendant 3h30 dans les toilettes, mais comment tu peux rester coincée dans une chatière? Qu'est-ce que tu fous dans une chatière déjà? Bah oui, c'est la première question. Bah tu sais quoi, on va essayer de le joindre, Christian. Il va nous expliquer comment ça s'est passé pour lui. Ça sera juste après le son de Môme avec Aloha sur Fun Radio. Rencontrez votre star Fun Radio, Maître Gims, lors de son concert le 10 décembre à Forêt Nationale, grâce à Fun Radio. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez deux titres de Maître Gims à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Double fun. Soyez le premier à envoyer star par SMS au 6322. 1 € le message et gagnez vos places pour son live le 10 décembre à Forêt Nationale, ou peut-être le rencontrer. Plus la réédition de l'album de Maître Gims à contre-cœur. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio. Le son dance floor. À la maison, profitez plus et payez moins grâce à l'internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 € par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ne faites pas le Jimmy Cracra. Déposez vos huiles usagées au parc à conteneurs ou au point de collecte pour recyclage. C'est gratuit et pour l'environnement, c'est inestimable. Plus d'infos sur valeurlub.be. Monsieur le directeur. Jean-Pierre, si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euro-million, devenez scandaleusement riche. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCar de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 €. Prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur skoda.be. Traverser l'Afrique ou parcourir l'Amérique? Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter de jusqu'à 500 € de réduction First Minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Grande première événement sur RTL TVI. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Jeudi à 20h15, retrouvez Leonardo DiCaprio au sommet de son art. Tu veux quoi, passer le reste de tes jours en prison? Va falloir qu'ils envoient la carte nationale, parce que je n'irai nulle part. Wall Street, jeudi à 20h15 sur RTL TVI. Moi, j'aime les produits qui racontent une histoire. Il était une fois de savoureuses tomates en grappe. Oui, une histoire, monsieur Marc. Elles étaient produites en Belgique, en respectant l'environnement. Elles venaient de la filière qualité Carrefour. Oh, et ça finit comment? Bah, dans l'assiette. Oh, dans l'assiette. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, les tomates en grappe filière qualité Carrefour sont à seulement 1,19 € le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. But I like this fun. Fun radio, we got them on. It sounds hot. Fun radio. No matter. No matter of the boy I'm out to what. No say on day. Sono poi per te. E dove tu ne fai.

sun's rays. What's left to do but to feel it all? You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. Premier à l'entendre là sur Fun Radio, le nouveau Armand Van Den qui arrive sur Fun Radio. C'est bon ça, hein? Ça sera dans le prochain quart d'heure sur Fun. Avant ça, un petit sac Noël avec Sean Paul et on a Alain qui va venir faire de la radio avec nous dans la Power. Salut Alain, ça va bien? À l'intérieur ou à l'extérieur? Oh non, quoi, quelle vanne de merde, sérieux. À un moment donné, il faut demander s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Oh, hey, c'est pourri ça. Heureusement qu'on est à la moitié de la semaine, tu vois. Courage les amis, ça va aller. Ça va Alain? Ça va, ça va. J'adore parce que Alain, il est sérieux, tu vois, genre, oui, non, mais moi, c'est humour, c'est pas du tout pour moi, faut pas déconner. Non, mais t'as raison, Alain, t'as raison, je te le laisse pas faire. Bon, Alain, on parle des gaffes qu'on a déjà fait parce que Fab, il est resté coincé 3h30 dans les chiottes. Sérieux, ça, c'est un sacré record. Tout à l'heure, on a eu Jessie aussi qui est resté coincé pas mal de temps, qui avait fait une belle gaffe. Toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc où tu t'es dit, eh merde, qu'est-ce que t'as déjà fait, Alain? Ah oui, j'ai fait une grosse gaffe, oui. Ouais, t'as fait quoi? Voilà, j'étais en train de décaper ma fenêtre avec mon décapeur et ma fenêtre a pété, voilà. Donc ça c'est une grosse gaffe. Et du coup il y a un peu de plan d'air là et tu dois repayer toute la vitre. Et du coup ben oui voilà. Donc, oh non. Non mais attends, et déjà parce que moi je ne fais jamais ça, hein, je ne sais pas décaper. Nettoyer mais... Enfin bah, si nettoyer mais décaper c'est quoi? C'est genre tu retires le bois, c'est ça? Tu non. Enlèves ben le papier oui, peint. Tu retires la peinture sur le bois quoi, voilà. Et t'as fait exploser la fenêtre avec ça. T'avais peint la fenêtre avant que Funkist ait été décapé ta fenêtre. Mais c'est pas solide en fait la fenêtre. Juste comme ça parce que. Bah, je sais pas. Non, c'est le principe de la vitre. Hein. C'est transparent donc c'est léger. C'est que ça chauffe le trou, tu vois. Hein, qu'on reste trop au même endroit, et ben après la fenêtre elle chauffe. La femme me disait la même chose. Ah non, Fab, t'es dégueulasse. Bah non, franchement, t'es notre champion aujourd'hui. Hein. Je te fais des gros bisous, Alain. Merci d'être passé à l'antenne. Tu reviens quand tu veux. De rien. Bisous, bisous. Voilà, salut Alain. Il y a Maya qui me dit, moi, j'ai la phobie d'être coincé dans un ascenseur. Ah ouais. Oui, ça, ouais, ça dépend avec qui, ça peut être marrant. Non, hey, franchement, vous venez ici une fois chez Fun Radio, on a un ascenseur préhistorique, quoi. Sérieusement, les gars, il fait un bruit. Si vous avez peur des ascenseurs, là, jamais vous mettez même le petit orteil, vous y allez pas. Rien mais en fait, t'as des mecs qui tirent avec une corde et mais quand le mec tire, l'ascenseur laisse monte. Laisse tomber, c'est un ascenseur préhistorique chez Fun Radio. Il est tellement petit que tu peux être coincé qu'avec toi-même, en fait. Tu rentres pas. Mais moi, j'avais mon ex qui avait aussi un problème avec les toilettes. Ouais. Mais elle, en fait, elle a une mauvaise histoire, c'est qu'à un moment donné, elle était sur le pot et en fait toute l'eau est remontée à ses fesses. Ah, ça doit faire peur ça. Donc du coup elle a été un peu propulsée dans les airs et du coup maintenant elle fait... c'est drôle. Elle ne ferme plus jamais les toilettes, peur de se faire elle fait pipi debout, c'est ça, engloutir par les toilettes. C'est parce qu'elle t'a pas tout dit Sandro, on t'expliquera quand tu seras grand. Ça va aller. Non ça va, merci, c'est gentil. Bon allez, la suite du son explore maintenant, c'est avec Zach Noël et Sean Paul que ça se passe. Il y aura aussi le nouveau Armand enfin bref, vous allez Armand. Voir c'est cool. Ouais, c'est Armand, il s'appelle Van Elden. Armand Van Elden qui est sur Fun Radio. Et si vous avez envie de vous relaxer et qu'on prenne bien soin de vous, et bien sachez qu'on vous envoie au terme de spa sur Fun Radio. Si ça vous dit de repartir avec vos accès, et ben c'est simple, il suffit juste de rester branché sur Fun Radio. On vous explique tout ça juste après Zach Noël et Sean Paul sur Fun Radio. Welcome. C'est la gala with the big tic-tac, she fait gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, body body, me take up a permanent residence, rotate your body, come in love, or you're spinning it, rotate your body, come in love, or you're spinning it, rotate your body, come in love, or you're spinning it, make the trumpets blow. on your bubbly bubbly. Serious thing it and a comedy comedy. And them say you have the comedy comedy. So me won't get some and come trouble trouble. Bust two back of the bubbly bubbly. Call in two friend and then double double. Girl so hot she a bubbly bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pon your body me take up a permanent residence. Trumpets blow. Au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Juste avant de se faire le son de Kung sur Fun Radio, c'est l'heure de s'informer à 18h et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. On le sait, le budget fédéral a dérapé de plus de 4 milliards d'euros alors qu'on s'attendait à deux fois moins. Un trou qu'il va donc falloir combler, même que c'est nous qui allons devoir le faire. Et quand je dis nous, je parle pas de ceux qui ont la possibilité de planquer leur fortune dans un paradis fiscal, mais des autres, ceux qui ne peuvent pas trop se défendre. Ainsi, parmi les pistes envisagées, on évoque la limitation dans le temps des allocations de chômage. Bon, avant de hurler, on va quand même attendre de voir si le gouvernement Michel ira jusque-là. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est la Libre Belgique qui en parle, la Libre, qui a pu consulter une note envoyée aux différents cabinets ministériels. Autres idées évoquées, une hausse de la TVA, super, et du précompte mobilier aussi. Ah, et puis une diminution du remboursement de certains médicaments et la non-indexation du salaire des fonctionnaires. J'ai comme l'impression que l'automne s'annonce chaud bouillant. Et là, je parle pas de la météo, hein. Je pense plutôt aux syndicats. Et puis, les associations antiracistes ont aussi de bonnes raisons de se plaindre de ce gouvernement, ou en tout cas de certains de ses membres. Toujours les mêmes d'ailleurs, à commencer par Théo Franken, secrétaire d'État NVA à l'asile et la migration, qui visiblement ne porte pas les demandeurs d'asile dans son cœur. Après plusieurs dérapages incontrôlés, voilà qu'il a partagé sur Twitter une vidéo parodique, ce qu'on appelle un gif, dans laquelle un individu sur lequel on a collé une photo du visage de Théo Franken expulse un réfugié africain de manière spectaculaire, disons. Après quoi, on voit s'afficher sur l'écran les mots « tolérance zéro ». C'est à gerber, hein, clairement, mais pour le secrétaire d'État, c'est très drôle, vu qu'il a retweeté cette vidéo avant de comprendre que ça pouvait se retourner contre lui. Mais non seulement il n'a utilisé ses neurones que trop tard en supprimant la vidéo, mais en plus, il les a mal utilisés, vu que le tweet initial apparaît toujours dans ses favoris. Évidemment, personne dans la majorité n'a jugé bon de s'exprimer sur cette affaire. J'avais l'intention de vous parler pour suivre de Marie-Christine Marguem, la ministre et maire de l'énergie, celle qui oublie de réclamer la redevance due par Electrabel et EDF, mais j'ai pas envie que vous finissiez par penser que ce gouvernement n'est composé que d'incompétents ou de racistes, hein. C'est évidemment très loin d'être le cas. On va donc terminer avec du sport et le rappel de la défaite 4-0 du club rougeois à Copenhague en Champions League. Je sais pas pourquoi, mais là aussi le mot incompétent me vient à l'esprit. Et dans le programme de la soirée, nous avons un très intéressant Atlético Madrid-Bayern, Naples accueille le Benfica, Barcelone sera à Mönchengladbach et Manchester City au Celtic. Enfin, notre ex-pongiste Jean-Michel Sèvres, qui fut, rappelons-le, numéro 1 mondial en tennis de table, aurait se porté candidat au poste de président de la Fédération internationale de ce sport. Il se décidera à ce sujet très bientôt, en lui souhaitant d'avoir plus de chance qu'en ce qui concerne la commission des athlètes du Comité international olympique. Il a essayé deux fois d'y être élu sans succès. Fun Radio. On va vous dire comment faire pour repartir avec vos accès à la direction Les Thermes de Spa. Ce sera juste après la météo. Avec les températures demain comprises entre 19 et 22 degrés, toujours du soleil pour commencer la journée. Plus de nuages en cours d'après-midi, une petite onde est possible également. Voilà, tous une excellente soirée, je vous retrouve dans une heure et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Kungs. Salut. Allô Mimi, je suis dans les embouts, là, les magasins seront fermés. On commandera ce soir sur Krefel.be en pyjama. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. I'm gonna wreck you. Avec le son d'Imani qui arrive dans un instant, c'est Don't Be So Shy. Avant ça, on va se faire un petit souvenir, hein. Mystique, c'est ce qui arrive juste après l'horoscope dans la Piawar. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et on va vous dire aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un de maniaque, je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit un jour, vous dites mais non, c'est pas ça, c'est juste que j'aime bien que les choses soient bien rangées. Eh bien, on va vous dire, peut-être bien que vous l'êtes au final, les béliers. Oui, très comme Dexter, vous nettoyez toujours tout après avoir tué votre victime. Les taureaux. C'est pas maniaque que vous êtes, hein. Sortir de chez vous avec des gants en plastique et un masque, on appelle ça des tocs. Les gémeaux. Vous êtes tellement maniaque que pour pas salir chez vous, tous vos meubles sont recouverts de plastique, un peu comme le visage de Michael Jackson. Oh, merde, non, en plus ça tenait pas bien, t'as vu son nez à chaque fois il se barrait. Mais c'est vrai, ça tenait vraiment pas. Il prenait vacances. C'est une catastrophe, les cancers. Vous passez votre temps à nettoyer du matin au soir, vous êtes pas maniaque, vous êtes juste femme de ménage. Lion. Vous êtes tellement maniaque que vous avez 31 brosses à dents chez vous, une pour chaque dent. Vierge. Vous êtes tellement maniaque que contrairement à vos copines, vous n'êtes pas amoureuse de Brad Pitt ou compagnie. Non, vous, votre fantasme, c'est Monsieur Propre. Et il est plutôt bengolé, hein. C'est un Monsieur Propre. Mais c'est un carton. Il existe en plus, hein. Ouais. Tu sais que Monsieur Propre, il existe. Oui. Mais non, il existe pas. Ah si. Si, c'est un vrai monsieur qui existe, Monsieur Propre. Désolé, mais moi j'ai l'info avant tout le monde, d'accord. Bim, badaboum. Ok, donc on mettra aussi, la photo sur la page de l'émission. Toi aussi, t'es maniaque. Ouais, non, je suis surtout fan de Monsieur Propre. Point barre. Les balances. On aimerait justement que vous le soyez un peu plus maniaque. La dernière fois que ça a été nettoyé chez vous, les gens utilisent encore le Minitel. Les scorpions. Vous êtes tellement maniaque que vos invités sont obligés de se doucher avant de rentrer chez vous. Sagittaire. Alors vous êtes pas maniaque du tout, non. En passant une soirée chez vous, on peut attraper la peste. Les capricornes. Vous êtes très maniaque. Vous êtes le seul à laver vos préservatifs avant les employés. Oh. Ça c'est vraiment dégueulasse, les Verseaux. C'est pas maniaque que vous êtes, c'est fou. Vous avez même une éponge pour nettoyer vos éponges. Et on termine avec les Poissons. Vous vous lavez tellement souvent les mains en une journée que par moment on peut vous confondre avec Jamel Debbouze. Bon, et quoi, est-ce que vous trouvez que Fab il a tapé juste? Est-ce que vous êtes vraiment maniaque? Vous êtes d'accord avec cet horoscope? 30-44 pour vos petits messages. On les lira à l'antenne, c'est promis. Le temps de se faire un souvenir là avec Mystique, ouais, Scandalous sur Fun Radio. Il y aura Imani aussi avec Don't Be So Shy. Et juste après, on va vous expliquer comment faire pour aller au terme de Spa C'est Cadeau. C'est pour nous, c'est la Pior qui régale. Bienvenue tout le monde. Looks again, straight talk, sex appeal. One touch, gives me chills, and we ain't even close yet. Perfect all around, ain't been all over town. Show me how you get down, cause we ain't even close yet. And then you got me feeling weak. Listen as I speak, cause I'm careful as a creep. You got me going crazy, and you know I can't sleep. I'm watching your moves, and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. And girls, and you got me spinning, and you got me in a twirl. You're my number one, baby, and you're bound to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. I need some simulation, baby. A little conversation, maybe. You got me spinning around like crazy. There goes my baby. Scandalous, so scandalous. What? Hot stuff, head to toe. Where you go, no one knows. Cute smile, plenty dough. And we ain't even close yet. What? Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, cause we ain't even close yet. And you got me feeling weak. Listen as I speak, cause I'm careful as a creep. You got me going crazy and you know I can't sleep. Now watching your moves and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one, baby, and you're bound to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my my hips in your hands, and I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. My cologne. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why. Le son des fleurs continue sur Fun Radio avec le son de Diero, Bailard, et puis comme promis, j'ai le nouveau Armand Van Elden, rien que pour vous sur Fun Radio. Ça sera juste après le Dis-moi pas que c'est pas vrai dans la bio. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Toutes ces questions que vous vous posez depuis tout petit sans jamais avoir de réponse, grâce au Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh, s'il fini. Vous plaît. Oh non, mais s'il vous plaît, quoi. Fab, sérieux. Quoi, je l'aime bien, il je suis content qu'il va le passer. Non, mais vous savez, Fab, c'est comme quand il est, je sais pas moi, tu vois, quand t'es dans un, devant un film de ciné, tu fais waouh, waouh. Ah ouais, mais moi, c'est une horreur d'aller voir un film avec moi. Les onomatopées, au secours. Je parle pendant le film, si c'est pourri, je le dis. Ah, c'est en fait, pour ça. On parlait pas du film, on s'en fout du film. C'est la manière de s'exprimer envers les gens. Tu vois, quand tu es content, tu es ouais. Ouais, mais basique le Fab. Hein. Ouais, non, mais c'est... Je suis simple, moi. Non, mais on fait connaissance avec ton cerveau, c'est sympa. Waouh. Bon, on va se faire le Dis-moi pas que c'est pas vrai. J'ai une énigme pour vous aujourd'hui. Je suis sur une info, je me suis dit, tiens, pas con ça. Je savais pas que voilà. Vas-y. À votre avis, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que quand on doit faire quelque chose, quand par exemple vous devez passer un examen de l'autre côté de la radio, généralement on a tendance à vous dire bonne merde. Ah oui, à la place de bonne chance. Alors surtout c'est ne dis pas merci, parce que si tu dis merci, tu vas rater ton examen. Ah ouais, c'est ça. Quand ouais. On dit bonne merde, ouais, il faut jamais dire ça. Merci. Mais pourquoi est-ce qu'on dit bonne merde? Pas des aurait pu être autre chose, tu vois. Pourquoi on dit pas bonne chance? Pourquoi est-ce qu'on dit vraiment bonne merde? À votre parce avis. Faire un bon caca avant de passer un examen, ça fait du bien. Ça libère, mais non. Tu te sens soulagé. C'est mieux avant l'examen que pendant l'examen quand même. Moi j'aurais dit l'inverse, genre c'est un mec constipé qui a fait ça. Ah non, c'est pas ça. Fab, une autre idée ou pas? Parce que les gens ils ont envie que tu rates et disent bonne merde comme ça, tu vois. Méchant. Genre pour le caca. Ah non. Parce qu'il n'y a quand même rien de pire que le caca, tu vois. Qu'est-ce que tu peux souhaiter de pire à quelqu'un que du caca? Ça, c'est vrai. C'est pas cool. Et vous savez que j'ai appris un truc d'ailleurs en parlant de caca. Il paraît que les gens. On peut apprendre des trucs en parlant de caca. Je vois déjà les personnes se brancher sur Fun. Bon, mais là, tu sais quoi, par rapport au caca et on parle de caca. C'est comment briller en société avec Audrey? C'est parce que vraiment, on fait une petite parenthèse, mais j'ai appris un truc. C'est que quand tu fais un marathon, tu vois, genre 40 km et tout, t'es lancé, tu peux pas t'arrêter, tu continues, tu veux pas abandonner, tu vois. Et là survient une envie pressante de faire caca. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu dis merci, t'abandonnes petit le marathon. Petit A, est-ce que tu abandonnes? Petit B, est-ce que tu te retiens? Ou petit C, est-ce que tu te chies dessus? Petit B, si tu te retiens, tu cours plus vite. Non. Bah oui. En fait, j'ai appris que les marathoniens se chiaient dessus parfois. Ah non, non allez, je blague. Te jure, c'est une vraie info, c'est mon coach qui l'a dit. Tu vois que c'est dégueulasse le jogging. Moi je fais jamais de jogging, rien que pour ça. Bah, c'est que si t'es à 5 km de l'arrivée, laisse tomber, tu vas pas arrêter. Tu vois, t'as fait, tu viens de te taper 35 km, il t'en reste 5. Merde. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, mais les marathoniens devraient avoir des petits seaux portables avec eux, tu vois. Ils courent avec leur seau en main et puis une pelle, et alors ils se chient dessus dans le seau et ils jettent avec la pelle. Voilà, c'était ma petite info supplémentaire qui ne sert à rien, mais bon, pourquoi pas, on va apprendre des choses à l'antenne de Fun Radio. Non, mais sérieusement, il y a une vraie explication de pourquoi est-ce qu'on dit bonne merde et pas autre chose. Pourquoi merde? Est-ce que vous avez une idée de l'autre côté de la radio? 3044 pour vos petits messages, celui qui me trouve la vraie signification. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh ben, je lui file du cadeau de Fun Radio. On vous prend à l'antenne juste après le son de D-Row maintenant sur Fun. C'est Bailar. Et alors, ça, c'est une tuerie. C'est la crème de la crème. Le nouveau Armand Van Elden qui arrive sur Fun. Bougez pas. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. On a lancé ce matin sur Fun Radio le hashtag qui n'a jamais. Gawel qui a posté qui n'a jamais curé son nez et collé le pitou sous le canapé. Le mot pitou va me faire les jours. J'ai vu ça, qui n'a jamais fait pipi en éternuant. À part ma grand-mère, je vois pas. Pardon, excusez-moi, c'est pas sérieux. Il y en a, il est pas crade. Je vous jure, mais le mec il se lâche. Qui n'a jamais essayé le soutif de sa mère? Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Au ZAP Assurance, nous comprenons que parfois, vous n'avez vraiment pas de bol. Oula, ça c'est le genre de route sur laquelle on espère qu'il n'arrivera rien. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de loup ici, hein. Ouais, ça va, il est loin. Voilà pourquoi, en cas d'accident, vous pouvez nous joindre jour et nuit, même le week-end. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Hier, c'était de nouveau. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah Victor a encore grandi, j'ai plus aucun vêtement à sa taille. Ah, j'ai une solution pour ça. Quoi? Lui donner moins à manger? Mais non, va faire du shopping chez CA. En ce moment, il y a 20% de réduction. Maintenant chez CA, 20% de réduction sur la collection enfant. De la qualité à un prix avantageux. CA. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. diabétiques aiment le sucre, nous, c'est l'Happy Hour avec Audrey qu'on aime retrouver tous les soirs. Du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Fun Radio. On est en plein, dis-moi pas que c'est pas vrai là dans l'émission. On cherche à savoir pourquoi est-ce qu'on dit merde, bonne merde. Si vous avez une idée, 3044 pour vos messages. On se fait ça juste après Armand Van Helden. tropical et sur le fin radio avec le son de Dua Lipa. C'est pas du tout tropical en fait. Pas vraiment, rien à voir. J'ai vu Dua Lipa, c'est bien, ça sonne un peu vacances, mais non, rien à voir, c'est pas grave. Il y aura Alan Walker aussi dans un instant. Et d'abord, on accueille Mike qui va venir faire de la radio avec nous dans la Piawar. Ça va, Mike? Ça va, et toi? Bah ça va, écoute, dis, qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de vent autour de toi. Je suis sur un bateau. Non, je suis dehors en fait. Ah ouais? Je travaille dehors. Ah bah écoute, voilà. Bon, courage. Bon courage, Mike. Pourquoi il pleut? Ah, tu m'étonnes. Bon, Mike, non, on parle va, bon. D'un truc un peu bizarre, de caca. C'est pas très glamour aujourd'hui dans l'émission, mais bienvenue. J'ai appris un truc en cherchant des petites infos insolites comme ça. Je ne savais pas pourquoi. Est-ce qu'on a tendance à dire bonne merde quand tu dois faire un truc, tu vois, pour te porter chance? À ton avis, Mike, pourquoi? Parce qu'en fait, on est bonne mère pour ne pas dire bonne chance, par exemple pour un examen, parce que sinon, justement, ça porte malheur. Ah ouais, ça aurait pu être pourquoi, ça. Mais pourquoi bonne chance, ça porte malheur? C'est ridicule. Oui, déjà, de un, pourquoi bonne chance, ça te porte malheur? Et surtout, pourquoi. Non, c'est pas bonne chance qui porte malheur. C'est merci. C'est si tu dis bonne merde et que tu dis merci. Tu mais vois déjà, moi, quelqu'un, il te dit ah bonne oui, merde, tu dis merci, pas merci. Oui, aussi. Non, mais... merde voilà. Toi-même, moi, ouais. Je te merde. Non, mais c'est pas ça, Mike. Il y a une vraie explication de pourquoi on dit bonne merde. Pourquoi pas bonne. Je sais pas moi. Bon cactus. Bon cactus, tu vois, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, c'est pas ça. En fait, l'explication, attention, tenez-vous bien, vous allez apprendre un truc, hein, aujourd'hui vas-y, sur vas-y, Fun Radio. Fais péter. En fait, à l'époque, quand il y avait une pièce de théâtre qui était lancée, ouais. Bah, en fait, les gens, ils venaient en calèche. Parce qu'il n'y avait pas de voiture. Les frimeurs. Voilà. Ah, il n'y avait pas encore la voiture. Il n'y avait pas encore la voiture. Et donc, ils venaient en calèche. Et donc, les chevaux, bah, ils faisaient caca devant le théâtre. Et en fait, plus il y avait de caca, et plus il y avait de monde. D'accord. Tu vois, puisqu'il y avait plus de calèches qui étaient passées. Ah, donc, ouais. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle pièce, on leur disait bonne merde. Pour leur souhaiter d'avoir le maximum de merde devant le théâtre. D'accord. Alors. D'accord. Okay, c'est pas bête, ça se tient comme raisonnement. C'est pas con, hein. Bon, Mike, je t'ai appris un truc. Ouais, tout à fait. Ah bah voilà. Et tu peux rentrer chez toi, la maison sort, tu te la pètes. Ouais, tu sais pourquoi on dit bonne merde? Parce que moi, je sais, hein. Ouais, c'est clair. Tu vas expliquer le truc à qui en rentrant? À ma compagne. Ah bah voilà, c'est cool. Et tu lui dis maintenant, ça fera... ça fera 20 euros, allez. Bon, mon Mike, je te fais des gros bisous. Bon courage hein, pour ton boulot. Merci, c'est gentil. Et la suite du son dance floor, maintenant en mode tropical. C'est le son de Dua Lipa. Voilà. Ou pas d'ailleurs, parce que ça n'a rien de tropical. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura aussi Alan Walker dans un instant. Et puis de Parakid, c'est Save Me qui débarque sur Fun Radio. Et juste après, on tire quelqu'un au sort qui va repartir avec ses accès. Direction les thermes de spa. Oh, une petite oui. Journée zen. C'est cool, hein, ça. Si vous la voulez, allez-y. Vous envoyez maintenant happy par SMS au 6322. Bonne chance. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. I'm the realest it gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. I'm a matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Now I finish with you, yeah, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure heaven. And I'll give it to you hotter than hell. Make me feel right there. nouveauté Fun Radio. Alan Walker. Sing Me to Sleep. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son dance floor. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Radio avec deux parakeets qui arrivent dans la pioche, c'est Save Me et puis le nouveau Sia aussi, c'est ce qu'on vous a calé pour la suite du son dance floor. Mais d'abord, il faut qu'on cause cadeau, on vous envoie au terme de spa toute cette semaine, oh, si ça c'est pas cool, sérieusement, pour une petite journée bien-être. Alors non seulement on vous file déjà les accès pour aller au bain, parce qu'on appelle ça comme ça, n'est-ce pas, mais le et bain. Et puis la douche, mais voilà, non, c'est tout. Il y a aussi les douches hein, au terme de spa. Bah heureusement. Mais alors c'est drôle le concept parce que c'est des douches où en fait on te plaque au mur et c'est tellement fort que tu vois, c'est un geste super puissant. Ça c'est les douches des prisons, ça tu confonds toi, ça avec ailleurs. Je te jure, c'est bon pour ta cellulite, pour tes petits trucs, ça active la circulation. Par contre, ça fait mal à la tronche quand tu te prends le carrelage. Ouais, enfin bon, c'est un concept quoi. Non, sérieux, on vous envoie donc dans les bains des thermes d'Espa pour aller barboter. En plus, il y a une piscine canon parce qu'il y a une piscine barboter intérieure et une piscine extérieure avec des jets super puissants. Oh, pour vous masser la nuque là, tu sais, quand tu te mets en dessous, ça fait tellement du bien. Il y a des jacuzzis dans tous les sens, c'est magnifique. En plus, la ville de Spa, c'est mignon aussi. Si vous voulez aller visiter, c'est l'occasion. Alors, vous avez les accès pour les bains, mais en plus de ça, des soins. Vous allez pouvoir vous faire masser pendant une demi-heure, un petit massage délassant comme ça, du dos. Oh, ça fait du bien, hein. Il faut que le dos ou... Ah, tu peux négocier, hein, écoute ça, après tu vois avec les masseuses. Hein. Peut-être, si t'es gentille, elle fait les pieds. Voilà, c'est le petit bonus. Non, mais sérieusement, pendant une demi-heure, vous allez vous faire masser et puis vous allez tester la spécialité des thermes de spa, c'est les bains carbo-gazeux. C'est des bains, alors pour vous résumer vite au fait coca, comme ça. Avec du gaz. Non, mais c'est de l'eau pétillante, mais c'est une eau bien spéciale qui vient d'une source bien précise et qui est très très bonne pour la santé, très très bonne pour la circulation du sang. Et on vous fournit un petit verre, comme ça vous pouvez boire dans le bain tranquillement. Non, vous prenez non, l'eau je crois et... pas, non, parce que c'est dans

Boulevard d'Empire. L'Happy Hour, la seule émission qu'on aime autant que le chocolat. Enfin, le chocolat, c'est peut-être un peu too much. La seule émission qu'on aime plus que les brocolis. Oh. Ah voilà, ça c'est bien les brocolis. 17h à 20h sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. Sur Fun Radio, c'est le son de Sia que je vous ai calé. Il y aura aussi du Jonas Blue, tout ça c'est ce qui arrive juste après l'Happy Game sur Fun Radio avec du cadeau à la clé, c'est parti. L'Happy Game, c'est un jeu où tu peux gagner ou perdre, comme dans la vie. Aujourd'hui à la clé, les thermes de spa, oh, carrément. Oh là là, une journée complète de bien-être avec des massages, des bains carbogazeux, des piscines dans tous les sens, des jacuzzis, bref. Des gens tout nus. Oh oui. Il y a une partie à poil si vous voulez. Bah oui, il fallait le dire tout de suite alors. Ah, c'est super sympa. Non, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bon, on a qui est là qui va essayer de repartir avec ses places. Mélissa qui vient de Liège, pas loin d'ailleurs de spa. Mélissa, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh bah pour le moment à la maison, rien de spécial. Bah c'est bien aussi, hein, temps en temps, c'est cool de rien foutre. Hein. Bon, Mélissa, t'as joué pour essayer de repartir avec tes places pour aller au terme de spa. Oui. Ouais. Alors la première bonne nouvelle, c'est que tu repars avec tes accès au bain de spa. Bravo. Voilà. Mélissa. Tu peux aller te nettoyer. On prend des gels douche et tout. Bon alors Mélissa, les thermes de spa, les accès au bain, c'est déjà gagné. Maintenant, tu peux faire le choix de doubler ton cadeau et d'essayer de repartir carrément avec la cure bien-être pendant une journée avec un massage à la clé et un bain carbogazeux. Est-ce que ça dit de jouer le jeu? Oui. Bah allez, c'est parti, c'est l'Happy Game. L'Happy Game sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Bon, Mélissa, je ne sais pas ce que tu es en train de faire à la maison, mais arrête tout, concentre-toi bien, tu vas jouer à l'Happy Game dans l'Happy Hour avec à la clé une journée bien-être. Tu vas devoir affronter quelqu'un de l'équipe à un petit jeu. Alors choisis déjà la personne que tu veux affronter. Il y a Fab Sandro ou il y a moi, Audrey. Tu veux jouer avec qui? Avec Audrey. Avec moi. Sans blague. Ah ben voilà, super, je suis tellement mauvaise. Je crois maintenant les auditeurs, ils ont peuré quoi. Bon, alors on va jouer un petit jeu. On va faire un jeu des couleurs. Alors Fab va donner une couleur. Chacune à notre tour, on va essayer de trouver un truc en rapport avec cette couleur-là, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Fab, c'est quoi la couleur? Le noir. Le noir. À ton avis, Mélissa, qu'est-ce qui est noir? Un vêtement. Bah ouais, mais quoi? Et ça va, hein? Facile, ça. Et autre chose, hein? Une chaussure. Ouais, ça marche. Batman. Oh, oh, bah, tu cites mes références. Bah oui, donc c'est bon, un point pour moi. Mélissa, à toi. Bleu. Une quoi? Pardon? Alors, attends, alors j'ai pas bien compris. Alors, un truc qui est noir. C'est toujours la même question, en fait. Quelque chose qui est noir, à ton avis. Une télécommande. Une télécommande, ah oui, ouais, c'est le Proximus, c'est le noir en plus. Ça va, toi, tu fais sans la pub. Citer, sans citer, excuse-moi. Mais. Bon, alors. Il y a quelque chose de noir. Un singe. Ah bah oui. Yes. Bravo. 2 points chacune, à toi, Mélissa. Le téléphone. Le téléphone, oui, ça marche. Attends, maintenant, ça, moi, là, je sens la galère qui vient. Un truc noir. Un truc noir. Mélissa, t'es gagné. Ouais. Bravo, Mélissa. Et t'as pas fait le mauvais choix en me choisissant moi. Qu'est-ce que je suis mauvaise à ces jeux, sérieux. Bon, bah, et du coup, tu gagnes ta journée au terme de spa avec un massage délassant, un bain carbogazeux et le tout dans les bains. C'est cool, hein? Génial. Bah, écoute, Mélissa, ça nous fait plaisir. Et bah, voilà, tu nous diras comment c'était, d'accord? Ok, nickel. Je te fais des gros bisous, Mélissa. Passe une bonne soirée. Si vous aussi, vous voulez repartir avec ce chouette cadeau, bah, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de s'inscrire. Imaginez-vous une petite journée là bien sympa au terme de spa. Il suffit d'envoyer maintenant Happy par SMS au 6322. C'est le son de Sia qui arrive sur Fun Radio. Et puis dans quelques minutes, le cocu ou pas cocu, on va tester la fidélité de votre copain ou de votre copine. Si vous avez un doute d'ailleurs, il ne faut pas hésiter, vous venez sur ma page Audrey sur Facebook. Et puis on s'occupe de tout avec notre détective privé Mister X. Mais avant ça, place à Sia sur Fun. Fun Radio. Fun. Égophonique. Fun.

Fun Radio. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Bienvenue sur Fun Radio, si vous voulez nous rejoindre, il est 19h. Avant de se faire le son de Jonas Blue, on s'informe et c'est avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Je suppose que ça ne surprendra que ceux qui ont encore un petit peu foi en l'espèce humaine, mais la cybercriminalité, donc sur Internet, a atteint des niveaux très élevés selon un communiqué publié par Europol. Les activités les plus illégales se déroulent sur ce qu'on appelle le Darknet, donc la partie du net cryptée et non référencée par les moteurs de recherche. Et parmi les menaces grandissantes, il y en a une qui est particulièrement répugnante, à savoir l'abus sexuel d'enfants en direct. Nous avons aussi le revenge porn qui marche très bien et qui consiste à diffuser publiquement sur les réseaux sociaux des photos intimes d'un ou d'une ex, c'est plutôt minable. Également en hausse l'extorsion par piratage, c'est-à-dire qu'on vous bloque des données importantes et si vous voulez les récupérer, il faut douiller. Plusieurs pays possèdent la bombe atomique, et notamment la Chine, qui a promis de ne jamais l'utiliser en premier. On aurait préféré qu'elle promette de ne jamais l'utiliser du tout, mais il ne faut pas trop en demander, hein, non plus. En tout cas, c'est un petit peu plus rassurant que les propos que vient de tenir le chef du Pentagone, Ashton Carter. Les États-Unis, a-t-il dit, ne veulent pas s'interdire de dégainer les premiers l'arme nucléaire en cas de conflit. Le maintien d'une possibilité de tirer les premiers a été notre politique depuis longtemps et fait partie de nos plans pour l'avenir. Fin de citation. Des propos qui ont pas à faire fumer encore plus si on se souvient que Donald Trump pourrait être élu président des États-Unis. À propos d'armes, les Russes sont en train d'en expérimenter de nouvelles à Alep, en Syrie, qu'ils bombardent depuis plusieurs jours. Les pires bombardements depuis le début de la guerre dans ce pays il y a plus de 5 ans. L'Occident clame son indignation, mais ça ne suffira pas à aider la population civile. Il vit un véritable calvaire à Alep où les deux principaux hôpitaux de la partie rebelle de la ville ont été touchés ce matin par des frappes aériennes, ce qui les a mis temporairement hors service. Il faut savoir que le régime de Bachar al-Assad contrôle une partie de la ville et cherche à faire main basse sur le reste avec l'appui meurtrier donc de l'aviation russe. Je parlais de nouvelles armes utilisées par les Russes. Eh bien, à Bastogne, on vient d'en retrouver des vieilles, à savoir 582 bombes allemandes, non pas de la Seconde Guerre mondiale, comme on aurait pu le penser, vu que Bastogne a quand même été le théâtre d'une bataille célèbre fin 44, mais de la Première Guerre, celle de 14-18. C'est lors d'une opération d'élagage que des ouvriers ont découvert un obus. Ils ont alors appelé la police, qui a prévenu l'armée, qui a envoyé sur place le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs d'Averley, qui a donc découvert près de 600 obus de mortier, progressivement enlevés pour être neutralisé. Enfin, la championne américaine de tennis Serena Williams a assuré qu'elle ne resterait pas silencieuse dans le contexte des tensions raciales qu'on connaît avec les bavures policières commises contre des Noirs. Sur Facebook, elle a fait part d'une expérience toute récente qui l'a incité à réagir. Elle a demandé à son neveu de 18 ans de la conduire quelque part en voiture. Et en voyant au loin un policier sur le bord de la route, elle a checké que le neveu en question ne roulait pas trop vite. En d'autres mots, elle a pensé au fait que le policier pourrait lui tirer dessus. Ce qui montre bien qu'il y a un problème, hein, vu qu'on n'est pas censé avoir ce genre d'idée. Fun. Fun Radio. Le cocu ou pas cocu, c'est ce qui arrive dans l'émission. On va tester la fidélité de votre copain ou votre copine. Ah bah ouais, on va savoir si vous l'êtes ou pas cocu au final. C'est ce qui arrivera juste après la météo. Demain, les températures seront toujours comprises entre 19 et 22 degrés, avec toujours du soleil. Attention toutefois au retour de quelques petites averses en fin de journée. Voilà à tous, une excellente soirée. Je vous retrouve demain matin à 5h30. Il vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Jonas Blue. Salut. Fun Radio. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est Krefel. Profitez-en maintenant, Krefel. Les meilleurs prix, service compris. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. feeling this way? There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Radio, la suite du son, c'est avec Pitbull, Florida et Lunch Honey. Ouais, ils sont à trois sur le truc. Un max de monde. Ouais. Servez-vous les gars, servez-vous, ça va passer. On est ici à l'Esso, juste après le cocu. Si tu veux l'épouser ou si tu dois t'en débarrasser. C'est le cocu, pas cocu, sur Fan Radio. Ouais, c'est nouveau dans l'émission. Maintenant, on teste la fidélité et ben, de votre copain ou votre copine. Si vous avez un doute, je sais pas, moi, ça vous est déjà arrivé dans l'équipe, d'un moment donné, avoir l'impression d'être cocu ou pas? Ah, moi je dis toujours, si ça sent la merde et que ça a l'odeur de la merde, c'est que c'est de la merde. C'est que c'est de la merde. Ouais, souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Faut se méfier un petit peu. Oh, c'est beau tout ça. Et t'as bravo. Vu ça, je parle comme une vieille. On va faire des citations de vieux toute l'émission. Non, comment je sais ça pas, se passe. On va arrêter. Bon, alors aujourd'hui, il y a quelqu'un justement qui a pris contact avec nous via la page Facebook Audrey. C'est qui est là? On a Émilie aujourd'hui. Émilie, 26 voilà. ans de Bruxelles qui Émilie, est avec nous. Émilie, elle a des doutes sur son amoureux. Bonjour Émilie, bienvenue dans la Happy Hour. Bonjour Audrey. Ça va bien? Émilie, t'as une toute ça petite voix, ma chérie, mais oui, oh là là, tu m'as envoyé ton histoire là sur ma page Facebook, c'est horrible. Oui. Est-ce que tu veux bien expliquer aux auditeurs pourquoi t'as un doute sur ton chéri? Oui, en fait, je suis en couple avec depuis 2 ans avec mon copain. Ouais. On habite ensemble. Grosse et mine. Ça fait 3 semaines qu'il est froid, il est distant, il rentre super tard. Et quand je lui demande où est-ce qu'il était pendant tout ce temps, ben, il me dit qu'il est tout le temps chez sa meilleure amie, en fait. Ça, et ça je sent pense mauvais. Qu'il ne trouve pas avec lui. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Tu sais qu'à chaque fois que j'ai été cocu, moi, c'était avec la meilleure amie. Ça n'existe pas, la meilleure amie chez non. les mecs et les non, femmes. Non, je pense pas que c'est ça pas existe. Possible. Même s'il y en a qui disent, mais si, ça dépend. Sauf gna, si gna. Elle est moche. Sauf si elle est moche, c'est sympa, Fab, ça fait plaisir. Et Émilie, la meilleure amie de ton amoureux, elle est comment? Elle est plutôt pas mal ou Ouais, ça reste une jolie femme. Ouais. Ah, alors t'es dans la merde, Émilie. Ça me fait d'autant plus peur, quoi. Bon, est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier? Donc, il est tout le temps chez elle, tous les soirs? Ouais, quasiment tous les ça, soirs. Ça, c'est dingue. Il rentre super tard et il veut jamais m'expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Ah ouais. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'ils font. Non, allez, arrête. Oh, non, mais tu sais ce qu'on Fab. Va faire? On a donc Fab, c'est son habitude maintenant, il se fait passer pour un détective privé. On va lui faire croire qu'on a des infos. Qu'on sait déjà d'une première part bah, qu'il va tous les soirs lâcher sa meilleure pote. On a vu qu'il se passait des trucs. On s'en fout, on va inventer qu'on a un appareil photo qui est capable j'ai de prendre tout, des moi, photos J'ai tout moi, j'ai même le nom de la meilleure amie. Je voilà. Je détective. Comment il s'appelle ton chéri, Émilie? Il s'appelle Anthony. Anthony, eh ben, tu nous as filé son numéro de téléphone. On a toutes les infos qu'il faut sur sa meilleure amie et sur bah, tout fait tous les soirs. On va l'appeler, on va lui faire croire que eh ben, on sait qu'il est en train de te tromper. On verra ses réactions, hein. Peut-être que tu seras cocu, peut-être que tu le seras pas. Voilà, Émilie, tu restes bien à l'écoute de l'émission. On se fait ça juste après le son de Pitbull avec Florida qui débarque sur Fun. Give me the green light, 'cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I

Le son des sphères continue sur Fun Radio avec The Chainsmokers. Et puis peut-être que vous l'avez pas encore entendu, Sound of Legends. Le nouveau, ça va vous rappeler des souvenirs là, avec Eiffel. C'est combien le chiffre encore? 65. Ouais, voilà, 65. Tout comme Fabidi. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, déjà, rien que le titre de Sound of Legends, c'est Blue Dadadi. Blue Dadadi, j'arrive pas à le dire. Ça vous souvient, vous souvenez du truc là? I'm blue, dabudi, dabudi, dabudi. Et bah voilà, c'est une reprise de ça, mais en mode dance floor. C'est ce qui arrive dans le quart d'heure sur Fun Radio. Avançons à vous dire si vous êtes quelqu'un de maniaque, les béliers. Ah oui, très comme Dexter, vous nettoyez toujours après avoir tué votre victime. Et les taureaux? C'est pas maniaque que vous êtes, sortir de chez vous avec des gants en plastique et un masque. En fait, on appelle ça des tocs. Les gémeaux. Vous êtes tellement maniaque que pour pas salir chez vous, tous vos meubles seront couverts de plastique. Un peu comme le visage de Michael Jackson. Cancer. Vous passez votre temps nettoyé du matin au soir. C'est pas maniaque que vous êtes femme de ménage. Les lions. Vous êtes tellement maniaque que vous avez 31 brosses à dents chez vous, une pour chaque dent. Les vierges. Vous êtes tellement maniaque que contrairement à vos copines, vous n'êtes pas amoureuse de Brad Pitt ou compagnie. Non, vous, votre fantasme, c'est Monsieur Propre. Ah ouais, Monsieur Propre. À toi aussi, ah, Monsieur Propre. Ah, pardon. Viens me frotter, Monsieur Propre, les je suis sale. Balance. On aimerait justement que vous le soyez un peu plus maniaque. La dernière fois que ça a été nettoyé chez vous, les gens utilisaient encore le Minitel. Il n'y a jamais eu le Minitel en Belgique. Bah c'est vrai. On a eu le Minitel. Bah bien sûr. Maintenant c'est un truc de français ça, non? Bah non. Est-ce que quelqu'un sait s'il y a eu un truc comme ça en Belgique? 30-44 pour vos messages. Les scorpions. Vous êtes tellement maniaque que vos invités sont obligés de se doucher avant de rentrer chez vous. Les sagittaires. Alors vous, vous n'êtes pas maniaque du tout, hein. Passant de soirée chez vous, on peut même attraper la peste. Capricorne. Oui, vous êtes maniaque. Vous êtes le seul à laver vos préservatifs avant de les employer. Oh non. Bah quoi, il faut bien, hein, à un moment donné. Les Verseaux. C'est pas maniaque que vous êtes, c'est fou. Vous avez même une éponge pour nettoyer vos éponges. Et on termine avec les poissons. Vous vous lavez tellement souvent les mains en une journée, par moment, on peut vous confondre avec Jamel Debbouze. Pourquoi? Qu'au bout d'un moment, ça fait mal et t'as la main qui pend. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Oh, c'est dégueulasse, c'est méchant. Oui, je sais. Punaise, vas-y, on va sur le son maintenant de Chainsmokers sur Fun Radio avec Closer. Et alors, juste après, c'est le cocu ou pas cocu. Il y a Emily qui est passée à l'antenne, elle a des doutes sur son amoureux. Du coup, notre détective privé. Bah, va s'y mettre. Bah ouais, c'est parti, on va savoir s'il est cocu ou s'il est pas cocu. Juste après ça, bougez pas. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs, dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Vos ambitions, c'est votre choix. ING fait tout pour le rendre possible. Comme pour Léa et Hugo, fans de science-fiction. Léa rêve de visiter un Space Center, Hugo voit plus loin. Il a acheté sa place à bord de la navette qui partira pour Mars en 2023. Les débuts d'une relation à distance, de longue durée. L'ING Lion Account gratuit est le compte à vue qui vous permet de gérer votre argent où que vous soyez, même sur Mars. Demandez-le maintenant. Infos et conditions sur ing.be. Hier, c'était de nouveau. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah Victor a encore grandi, j'ai plus aucun vêtement à sa taille. Ah, j'ai une solution pour ça. Quoi? Lui donner moins à manger? Mais non, va faire du shopping chez CA. En ce moment, il y a 20% de réduction. Maintenant chez CA, 20% de réduction sur la collection enfant. De la qualité à un prix avantageux. CA. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, les fromages ne sentent pas mauvais. Ils ont du caractère. Sentez-moi ça. Quel caractère. Et puis quand on boit dans la publicité, on fait... Oui, parce que les boissons sont beaucoup plus désaltérantes. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Come on tonight.

C'est le duo le plus improbable sur Fun Radio, mais on le kiffe ici, DJ Snake avec Justin Bieber. T'as vu comment je l'ai dit en carolo, C'est DJ Snake, vas-y ma bécha, vas-y monte le son. Je sers pas, vas-y. Allez, ça arrive, juste après Coquille ou pas Coquille sur Fun. Chérie, je n'aime que toi et Nutella. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on va voir dans le Cocu pas Cocu sur Fun. Ouais, si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, il faut savoir qu'Emilie a fait appel à l'équipe de la Power. Elle a des doutes sur son amoureux. Alors, son amoureux qui passe toutes ses soirées comme par hasard chez son meilleur ami. Et il veut sa meilleure amie. Oui, sa meilleure amie, mais je veux dire, il veut pas dire ce qu'il fait quoi là-bas. Bah, c'est normal, si j'ai des trucs de grandes personnes, ça regarde que lui. Non, justement, moi je sens qu'il y a un truc de louche qui on se fait passe la cuisine, là-bas. Hein. Voilà. Emilie nous a demandé d'appeler du coup son amoureux Anthony pour voir si oui ou non elle était cocu. Alors, Fab, tu te fais passer pour un détective privé comme d'hab, et puis tu fais croire que t'as des infos. Qu'est-ce que t'as comme info, chef, par exemple? Oui, chef, j'ai le nom de la meilleure amie, chef. Ouais. Et je sais que je m'inventais qu'il y a des coups de fil et des SMS que j'ai trouvé. Ouais. Et que j'ai tout ça dans mon ordi super espion. Non. Alors que le mec, s'il savait, moi je suis même pas téléchargé un film. Petite peste, va. Allez, c'est parti, on fait sonner chez Anthony. À toi de jouer, Fab, sois bon. Allô Anthony, bonjour. Je suis détective privé. J'ai été engagé par Emily, ta petite amie, pour faire une enquête sur toi. Comment ça? Eh ben écoute, elle est venue me voir, elle avait des doutes sur ta fidélité, elle m'a demandé de te surveiller, de prendre des photos, d'essayer d'avoir accès à tes SMS et tout ça. Chose que j'ai faite et j'ai monté un petit dossier. Ah ouais, comme ça. Donc elle prend des détectives privés comme ça, juste pour voir ce que je fais. Juste pour voir ce que tu fais, et je dois dire que c'est pas triste. Je sais que tu passes la plus claire de ton temps chez ta meilleure amie Laura, que tu rentres tard le soir. Moi, je crois que je sais pourquoi tu es là-bas. Hein. J'ai les preuves, j'ai les SMS, les coups de fil, les appels. Le temps que tu passes là-bas, j'ai des photos de vous deux. Donc je sais que tu trompes Émilie avec Laura. J'ai les preuves, donc maintenant, deux possibilités s'offrent à toi. Soit je les envoie à Émilie, soit toi et moi, on s'arrange. Déjà, de 1... Tout ce qui se passe avec ma meilleure amie, je sais pas si tu sais pas trop voir ce que je fais avec elle, déjà de 1. Et si je suis chez elle, c'est que ça va pas bien dans mon couple, en fait. Oui, mais c'est pas une excuse pour tromper ta nana. Je ne trompe pas ma copine. C'est que j'ai vu il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, sur son GSM, qu'elle était occupée à SMS avec un collègue à elle. Et elle lui disait, je t'aime, etc. Donc elle lui répond aussi la même chose. Donc je trouve pas ça logique, c'est qui trompe qui, tu vois. D'accord. Alors, si là vous voulez venir m'aider, je serais content. Anthony, c'est Audrey de Fun Radio. Je t'explique, t'es en direct à l'antenne dans la Power. Bonjour. Qu'est-ce que je fous sur une radio? Alors, attends, je t'explique. Ton amoureuse Émilie nous a contacté parce que elle avait un doute sur toi. Elle voulait savoir si justement tu l'as trompée avec ta meilleure amie. Alors, moi, je suis un peu mal à l'aise là maintenant. Elle nous a pas parlé de l'SMS du collègue. Alors, je t'explique, c'est que elle nous a pas du tout donné la même version que ce que tu viens de nous donner en direct sur Fun Radio. Justement, elle avait des doutes sur toi. C'est pas l'inverse normalement. Donc là, on s'est fait prendre à notre propre jeu là. Et pour le coup on a appelé le bon Anthony au moins. Je pense oui, c'est ça, en toute façon. Alors Anthony, ce qu'on va te faire, parce que moi du coup je sais plus qui croire moi dans l'histoire, c'est un foutu bordel. On va écouter le son de DJ Snake avec Justin Bieber maintenant sur Fun Radio, et juste après on va rappeler Emily, on va la mettre à l'antenne aussi de Fun Radio, et puis tu vas pouvoir arranger ton brawl avec elle, parce que alors là, mais c'est un truc, c'est digne des séries d'amour aux États-Unis quoi. Est-ce que c'est Emily qui trompe, est-ce que c'est Anthony, moi j'en sais plus rien. On va régler le bazar hein. Juste après, DJ Snake et Justin Bieber sur Fun, bougez pas. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up. juste avant de retrouver Dylan pour Fun Radio Connected. C'est parti, le nouveau Feder qui arrive sur Fun Radio. C'est Lord Lie que je vous cale côté son dance floor. Mais d'abord, c'est le cocu. Attends, ou pas cocu? C'est joli sur un cerf. Sur toi, ça va moyen quand même. C'est le cocu ou pas cocu dans la Power. Ce qui est cool, c'est que là, on a eu une corne pour le prix de deux. C'est particulier. C'est-à-dire que si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, c'est un sacré bordel pour une fois dans l'émission parce que Émilie a pris contact avec nous dans un premier temps. Elle voulait tester la fidélité d'Anthony, son amoureux. On appelle Anthony et au final, il nous dit que c'est elle qui la trompe. Alors comme quoi, là, les femmes sont fous. Vous êtes des fourbes, vous êtes des saletés de femmes. Peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle était grillée aussi. Elle ne sait pas qu'elle est. Ah, bon, alors. Ah, donc tu acquiesces parce qu'en fait, elle peut le faire tant qu'elle ne se fait pas griller. Bah non, elle peut pas, je dis pas ça. Je dis juste que c'est un bordel. Laisse tomber, Sandro, c'est une femme aussi. Bon, on a Émilie qui est là. Émilie ? Oui. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu nous as raconté comme craque, toi ? Ben écoute, dans le tir, il avait qu'à pas fouiller mon téléphone. Ah non, mais non, Émilie, ça c'est pas cool, parce qu'en plus tu fais appel à l'équipe, nous et tout, on est là pour t'aider parce qu'on croit que t'es malheureuse, et après derrière, en fait, c'est toi qui le trompe. Pourquoi tu fais ça? Tu l'as vraiment trompé ou pas? Ben, alors il paraît que les bisous ça compte. Fois. Une seule fois? Ah bah alors ça va, ça compte pas. Non mais c'est oui, quoi cette merde? Non sérieux, ça j'aime pas qu'on me prenne pour une conne en plus. Émilie, ce qu'on va faire, c'est que bon, on a Anthony qui est là. Vous vous arrangez entre vous parce que là, franchement, vous êtes des, en gros des mythos tous les deux quoi. Enfin, sauf Anthony, on sait pas au final s'il te trompe avec son ami, mais visiblement pas. Lui, le pauvre, justement. Il cherchait du réconfort parce qu'il est sensible, c'est un homme. Il va se consoler chez sa meilleure amie. Anthony, Émilie, bah parlez-vous. Vous êtes tous les deux à l'antenne de Fun. Allez-y. Ouais, alors, comment ça tu appelles des détectives privés là et tu me dis que c'est moi qui te trompe et c'est toi qui me trompe au final? C'est pas logique ça, ma vieille. Mon coco, t'aurais pas dû chipoter mon téléphone, hein. Sans pour rien qu'on dit que la carte est un mauvais coup. Ouais. Hein. Non, mais c'est facile d'accuser les gens et puis au final c'est toi qui fais le mal. Alors que moi je fais tout pour toi et c'est toi encore qui me fais du mal. Si j'étais chez ma meilleure amie, c'est parce que ça allait pas bien que j'ai vu ton GSM, tu vois. Mais oui, bien sûr. Trois semaines. Bah ouais, pendant trois semaines, c'est normal, moi je m'inquiète. Tu vois un mec qui t'envoie, j'ai des GTM, etc. Tu crois que je vais être confiant. Donc ça va aller bien dans mon couple, mais non, moi ça va pas les trucs comme ça, tu vois. Et en plus, t'oses appeler un détective, or que c'est toi qui me trompes. C'est vraiment pas logique, tu vois. Je sais pas si t'as tout rond dans ta tête ou quoi, mais franchement, on va te faire soigner, ma vieille, hein. Ouais, on dit plus rien là maintenant. Bon, mais tu sais quoi, mon Anthony, laisse tomber, elle viendra crocher Émilie comme une lâche. Elle a même pas de couilles. Bah ouais. En même temps, c'est une femme. C'est... Bon, hé, Anthony, je pense que t'as rien raté là, mon chéri. Hein. Laisse tomber, hein, franchement. Bah non, une de perdue, dix mais de elle est ouf en plus. Mais voilà, c'est qu'elle nous appelle, nous, pour te tester toi en sachant qu'elle te trompe. Ça, quand même, on n'a jamais eu dans l'histoire de Fun Radio. Ça, c'est hein. Énorme. Femmes, bon, Anthony, j'espère que ça se passera bien pour toi maintenant que tu sais bah, la vérité, même si toi, t'as rien demandé, bah le oui. Pauvre. Bah écoute, et une petite discussion avec elle au pire, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir, d'accord, Anthony? Ouais, ça va. Je fais des gros bisous, bon courage à toi. Hein. Et si vous aussi, de l'autre côté de la radio, là, vous voulez tester votre copain, votre copine, vous voyez, parfois ça sert à quelque chose. Hein. Et bah, vous venez sur ma page Facebook, Audrey, vous m'envoyez un petit message et nous, derrière, on s'occupe de tout avec Fab qui se fait passer pour le meilleur détective au monde. Comme Nicky Larson. Comme Nicky Larson, bah ouais, c'est le minimum, tu vois ce que je veux dire. Bon, la suite du son Dance Floor maintenant, c'est avec Feder que ça se passe sur Fun. Et puis juste après, restez bien là, c'est Dylan qui prend le contrôle de Fun Radio en mode Fun Radio Connected. Rencontrez votre star Fun Radio. Maître Gims, lors de son concert le 10 décembre à Forêt Nationale, grâce à Fun Radio. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez deux titres de Maître Gims à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Double fun. Soyez le premier à envoyer Star par SMS au 6322. 1€ le message et gagnez vos places pour son live le 10 décembre à Forêt Nationale ou peut-être le rencontrer. Plus la réédition de l'album de Maître Gims à contre-cœur. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Oh Lord, on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Escape from love. À la chasse aux Pokémon et te fatiguer pour rien, ou alors tu peux rester tranquillement chez toi et écouter Audrey et son équipe du lundi au vendredi dans la Happy Hour de 17h à 20h sur Fun Radio. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Mon nouveau son Popcorn sur Fun Radio, le son Dance Floor. Nouveau tube préféré commence sur Fun Radio.

starts coming, the music dies, but you don't see me standing here. Come on, come on. On Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. How dare you? Let go. Let go. Let go. Till you shut up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's true, go there on the dance floor. Lego. Lego. Of all the millions on the planet, you're the one who's keeping me on it. You know I like you like nobody's business. Your blue Spanish eyes are my witness. It's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while.